Salut à tous, vous êtes dans Plus que du métal, le petit Suicidal Tendencies Monopoly on Sorrow. Monopoly Suicidal, vous savez que Suicidal sont prévus au Hellfest ainsi que l'Infectious qu'on verra un petit peu plus tard. Une petite dédicace à mes deux potos, mes deux amis Manu et Seb qui sont actuellement à l'Olympia pour voir Alter Bridge. Bon concert les copains. Émission spéciale aujourd'hui d'1h30 avec une superbe interview de Raphaël Mercier, batteur des Mass Hysteria. Et puis c'est la dernière, hein, donc on va y aller. Hein, et puis on continue avec Betraying the Martyrs avec Dawn. C'est parti. Betraying the Martyrs. Allez, les sorties d'albums. Qu'est-ce qui va sortir ces temps prochains? Nous avons le 13 décembre à Leicester avec No Way Out. Un live des Stone Sour qui va s'appeler Hello You Bastards Live in Reno. Et le 20 décembre, on a un petit nihilisme avec Apocalyptic Fate. Très peu de sorties, mais on a quand même une petite nouveauté une nouvelle fois. On va écouter le dernier Cattle avec Decapitation. Allez, c'est parti. Yeah. Voilà, Cattle Decapitation. Allez, on passe au concert. C'est comme les sorties d'albums, ça commence à se calmer un peu. Il y a quand même à l'atelier le 12 décembre, on y retrouvera Insomnium. Chez Paulette, toujours, hein, 14 décembre, Mortuary, hein, qu'on a invité il n'y a pas si longtemps que ça. Et le 15 décembre, il y a une belle bourse au disque chez Paulette. Mortuary, qu'on va se retrouver tout de suite dans la chronique de l'album du mois. Et le 17 décembre à la Rocale, on est en Ghost, bon, c'est un autre calibre. Donc, effectivement, le dernier album de Mortuary. Très très bel album. Pour une raison inconnue d'ailleurs, Mortuary, donc, qui fête son anniversaire, est toujours resté dans l'ombre d'une scène française, pourtant très prolixe dans son style musical. Donc, ici, son death metal se part donc tour à tour d'excellents rythmiques trash. Le solo est une figure imposée, c'est bien car la paire de guitare donc c'est à rendre à l'évidence ces solos très jouissifs. Au final, The Auto, leur dernier album donc, est donc à classer au rayon des albums essentiels du métal français. Et en plus, ils sont très sympas. Et je vous rappelle donc qu'ils sont chez Paulette samedi prochain. Et là, on va écouter Monuments. Allez, c'est parti. Mortuary, Monuments. Et après, on va retrouver donc l'interview de Raphaël Mercier, batteur des Massisteria. À la patrie qui nous a trahis. Et voilà, Mortuary avec l'album The Autophagous Reign. Je vous le rappelle, ils sont à l'autre, pas à l'autre canal, chez Paulette samedi prochain. N'hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment le coup. Et on va donc passer donc à l'interview de Raphaël Mercier. Une interview qui a été réalisée lors de leur passage à l'autre canal, justement à Nancy il y a 15 jours. Avant de retrouver Raphaël, on va passer le premier titre grâce auquel Massisteria s'est fait connaître. Donc c'est aussi la rubrique c'est du métal, mais c'est pas du métal. Car c'était Donnez-vous la peine avec de forts relents de machines et de techno-métal. C'est parti, on écoute et on retrouvera donc l'interview avec Raphaël tout de suite par la suite. Donnez-vous la peine, Massisteria. This is a test, this is a test, this is a test. Donnez-vous la peine des Massisteria. Allez, sans plus attendre, on retrouve donc Raphaël Mercier. Interview de Raphaël Mercier, batteur des Massisteria. C'est parti. Et ben là, ça marche. Bon. Donc, merci de me recevoir pour une petite série d'interviews juste avant votre concert, avant à l'autre canal. Pas de problème. Donc, nous sommes en présence de Raphaël. Oui, bonsoir. Un des piliers du groupe, oui, je dirais presque, oui, voilà, le plus ancien après, après Mousse, tout simplement. Non, après Yann. Oui. 94, vous, 95, 15, non, ouais, je confonds les deux, c'est 94 Yann et 95 toi, c'est ouais, ça, c'est ça. Bon, petite erreur de date. La première fois que je vous ai vu en concert, je vous ai vu beaucoup de fois en concert, mais la première fois que je vous ai vu, c'était au Sonisphère en 2011, à Metz, juste à côté. Oui, à Amnéville, précisément. Ouais, Amnéville, pardon. Et vous aviez commencé à 14h. Oui. Et ça avait été... Et aujourd'hui, vous faites la tête d'affiche de la Main Stage 2 du Hellfest. Oui. Donc, 8 ans sont passés. Oui. Qu'est-ce que ces 8 ans, finalement, ont représenté pour vous dans la lignée de la reconnaissance éternelle du monde entier? Du monde entier, non, mais bon. Depuis 2008, c'était ça? Non, 2011. En fait, il y a eu une période un peu moyenne pour nous qui était entre 2005 et 2007, en gros, même 2003 et 2007 plutôt. Ouais, avec les albums Massistaria et Cercle en Cercle qui ont un petit peu moins bien fonctionné. De Cercle en Cercle a très bien fonctionné, la tournée a même mieux fonctionné que Contradiction, mais dans la tête des gens. J'ai l'impression que c'est moins, mais non, pas du tout en fait. D'accord. C'était plutôt après l'album noir où c'était un peu plus compliqué. Voilà. Et encore qu'on a fait autant de dates que sur les autres tournées, même s'il y avait un peu moins de monde, j'avoue. Puis après, on est revenu à truc plus sérieux avec une somme de détails. Et ensuite, avec Faille. C'est ça. Voilà, où on a repris du poil de la bête musicalement, j'ai envie de dire. Enfin, c'était revenu un truc plus. Plus métal. Plus métal, tout à fait, tout simplement. Ce qui est ce qu'on est en fait. Et puis, on n'a jamais lâché le morceau, on a toujours enchaîné les concerts. Et c'est vrai qu'à partir du Sonisphère, là, on a changé de label quelques temps après. Vous êtes passé du label Atom, c'est ça, Verycord. C'est ça. Et on a sorti l'album L'Armée des Ombres qui était super bien accueilli. Puis Matière Noire qui était encore mieux accueilli. Puis Maniaque qui était encore mieux accueilli. C'est ça. Voilà, donc depuis ça. Une courbe ascendante en fait. Voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Vous y repensez souvent à ces moments pas plus difficiles, mais où vous étiez un peu moins quand vous étiez invité dans les festivals. C'est vrai que faire le festival à 14h, c'est pas le faire à 22h30. Tout à fait, c'est bien. C'est un peu plus compliqué, il y a plus de curieux, hormis quelques fans inconditionnels qui viennent quand même à 14h pour vous voir. T'as pas de light, tu joues une demi-heure. C'est ça. Bien sûr qu'on y repense. Et vous en rigolez Moi, je dis qu'on a de la chance parce qu'il y a des groupes qui s'en remettent pas en fait d'une mauvaise période. Ils abandonnent, ils lâchent. On a continué, et c'est repris. Enfin, ça a repris de plus en plus à chaque fois. Je sais pas, il y a un truc spécial avec le public, avec ce groupe, je sais pas. J'ai pas l'explication, en fait. D'accord. Puis je cherche pas trop à en avoir, c'est comme ça. Comme vous l'avez. C'est comme ça pour l'instant. Peut-être qu'au prochain album, ça redescendra. Ce sera un gadin, ou ça remontera encore. Il n'y a pas de... Que je lui fais. Ouais, moi aussi. Vous avez parlé de L'Armée des Ombres, Matière Noire qui est une reconnaissance professionnelle et commerciale, je tiens à le préciser. Du coup, quand on fait un tel album, comment on aborde après l'écriture de Maniaque à l'époque, il y a un an à peu près, il est sorti il y a un an, Maniaque. Oui, tout à fait, il y a un an. Oui, c'est ça, parce qu'on est quoi, on est le 20 novembre, là. 20 novembre, ouais. Ça fait un peu plus. Est-ce qu'il y a une certaine fragilité ou confiance C'est un mélange des deux. Parce qu'en fait, tu surfes sur la vague de l'album et sur l'énergie des tournées, enfin de la tournée. T'as pas mal. Il y a beaucoup d'idées qui arrivent d'un coup. Ouais. Après, évidemment, t'as une période de doute parce que. Tu sais pas si ça va être aussi bien accueilli, si. Toi, tu fais toujours de ton mieux au moment où tu le fais, quoi, après. Mais en fait, Maniaque, il est arrivé très vite. Enfin, la plupart des morceaux, ils ont été composés vraiment dans la foulée de... Dans la foulée de Matière Noire. Ouais, la fin de la tournée de... Je crois que la dernière date de la tournée Matière Noire, c'était genre au mois de septembre 2017. Et au mois d'octobre ou au mois de novembre, ils étaient déjà en train de composer la plupart des morceaux qui sont sur l'album. Ils étaient finis, enfin, les structures principales, les riffs et les idées de rythme, c'était fini en fin octobre. On avait déjà pratiquement tout et on a tout laissé en plan comme ça jusqu'à pratiquement mars, enfin jusqu'à on rentre en studio quoi. Donc et vous entrez en studio en mars alors ? Ouais, je crois que c'était en mars ou avril, enfin bref, on a juste répété régulièrement pour bien se mettre en place. Quand vous l'annoncez au Download, en fait l'album est fini ? Non, dans Download, on était en train de le finir. L'enregistrement, on est d'accord. L'enregistrement était en train de le finir, mais oui, on savait qu'il sortirait. Voilà, c'est ça, tout était bouclé finalement. Oui, donc ça a été relativement vite. Enfin même très vite. Et non, on avait plutôt confiance dans les. Enfin, moi j'étais confiant dans les morceaux quoi. Voilà, donc, ok. Voilà. depuis Matière Noire encore, votre particularité, c'est qu'à Matière Noire, vous avez fait un solo dans Vector Equilibrium. Oui. Et vous en avez refait deux autres, Maniaque et Nerf de Bœuf. Ah. Est-ce que c'est une envie comme ça, je dirais, spontanée, ou est-ce que vous allez en mettre de plus en plus au fur et à mesure des albums ? Je ne peux pas te dire. Vous ne savez pas. Non, je ne sais pas du tout, ça dépend des morceaux. Si on sent que ça a sa place, on le fait, sinon, voilà. D'accord. Voilà, peut-être on a Fred qui est pas mauvais à ce jeu-là, Yann qui se lâche plus qu'avant aussi. Bon. Voilà, okay. On continue à évoluer, j'espère. Donc, voilà. Les solos, oui, si y a la place et que c'est justifié, ça vaut le coup. Après, c'est pas une obligation, quoi. Ok. Dans Maniaque, le dernier titre est un titre très électro, voire assez techno même. Ouais. Ce qui n'est pas étonnant, puisque dans Contradiction, le bien-être et la paix, il y en avait beaucoup. Toujours eu ça chez nous. Mais ça faisait un petit moment quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était un morceau très prononcé, en fait, très électro quand même. Ouais, complètement. Alors, c'est pareil que pour les solos, quelque part. Est-ce que c'est spontané, une envie, ou vous ne savez pas? Yann avait ce morceau-là en tête depuis. Qui l'a composé, ce morceau? C'est Yann, pratiquement tout seul. Ouais. Il avait ce plan de ce petit piano-là en tête depuis un moment. Il m'a fait écouter il y a super longtemps. Enfin, en tout cas, bien avant qu'on attaque la compo de Maniaque, ou juste en même temps. Enfin, bref. Voilà, on avait envie de faire un morceau comme ça. Donc, Qui s'occupe des samples maintenant ? Toi ? Non, non. Non ? Non, non, moi je m'occupe de les déclencher en live, c'est tout. Les déclencher en live, donc en fait c'est... Olivier qui a joué avec nous pendant longtemps, qui s'en occupe. Il y a, Marc Animalson aussi qui a refait des... C'est Marc d'ailleurs qui a fait We Came to Hold Up Your Mind, principalement. Voilà, après ça dépend, il y aura certainement d'autres personnes sur le prochain album. Il n'y a pas de... Mais on ne sait pas si le prochain album sera plus électro, moins électro, plus métal, moins métal. Vous avez déjà commencé à le composer ? Non. Non. Non. Idées ou autres Si, samedi dernier, on a commencé à faire tourner un truc qui était pas mal. D'accord. Voilà, mais c'est tout. Tu vois là, on finit notre tournée. Oui. On profite de tous les concerts, ce qui se passe très très bien. Oui. Voilà, je touche du bois. C'est du bois. C'est pas du bois. C'est pas du bois. On espère que ce sera pareil là sur les quatre dates qui vont s'enchaîner cette semaine. Je pense que oui. Il n'y a pas de raison. Notamment avec le Point de Mire, 6 décembre. Le Zénith, oui. C'est la plus grosse scène couverte que vous allez faire de mémoire. Ou après mes recherches. Vous avez fait l'Olympia, vous avez rempli l'Olympia. Oui. 2005. Oh, j'enlève le Hellfest, bien entendu. Oui. En tête d'affiche, je parle. L'Olympia, le Trianon, mais le Trianon, ça fait pas le Zénith. L'Élysée Montmartre. Le Zénith, on a déjà joué, mais c'était avec Limp Bizkit à l'époque. Ça vous fait quoi d'investir une grande salle quand même comme ça? Il y aura des surprises. On sait aussi que c'est les 20 ans de Contradiction. Oui. Non, je dis ça, je dis rien. Hein. Non, je vais être cash, on ne va pas jouer tout Contradiction, ça c'est sûr. Ok. Voilà. Je pense que ça aurait peut-être. On a fait un petit sondage pour jouer quelques morceaux qu'on n'a pas joué depuis longtemps. C'est ça. Et les résultats étaient assez surprenants en fait. Il n'y avait pas tellement de demandes de trucs si vieux que ça, quoi. D'accord. Tu vois, donc, on reste dans les derniers albums. Ouais. même les albums entre guillemets qu'on joue jamais comme De Serpent Serpent Poule Noir, on s'attendait à ce qu'il y ait un peu plus de demandes, d'ailleurs il n'y a quasiment rien eu. Okay. Donc on a choisi d'autres morceaux. D'accord. Voilà. En fonction de ce que les gens avaient demandé, on a pris ceux qui ressortaient le plus et qu'on n'a pas joué depuis un certain temps pour certains. Voilà, ouais, ce sera ça. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est pas une surprise qu'on a fait le concours sur. Oui, bien sûr. Voilà. Après, oui, il y aura forcément des petites surprises. Ce sera pas. Oui, on peut s'attendre peut-être comme le live du Matière Noire à des invités et autres, certainement. Peut-être, qui sait. Peut-être. Voilà. Ouais. C'est teasing. Voilà, je pense qu'il y aura un bon visuel aussi. Voilà, il y aura du. D'accord. Il y aura quoi se. Sur un c'est l'œil. Ah. J'en reviens sur Maniac. Maniac, donc qui est un peu, peut-être, dis-moi si je me trompe, un peu la suite logique de Matière Noire, oui. Mais il y a quand même une puissance, et notamment ton jeu de batterie qui est beaucoup plus, je dirais, agressif. Mm-hmm. Ça aussi, c'est une volonté de votre part d'être plus métal quelque part, ou ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul en fait. Jamie est arrivé avec, il a quand même composé, il fallait envoyer 2-3 riffs aussi directement, qui étaient très métal, limite un peu trash des fois. Yann aussi, morceau comme Nerf de Bœuf, c'est pratiquement que Yann et moi qui l'avons composé tous les deux. On répète en partant d'un plan de batterie, là, enfin le plan d'intro. Ça c'est mon jeu, c'est comme ouais, ça. Bien tu sûr, vois, ouais. C'est... Bah, je me pose pas trop de questions. J'avais quelques indications. Parce que pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, on avait fait des petites maquettes où il y avait quelques idées de batterie, tu vois, de programmation, ouais. De direction. Quoi. Moi je travaille à partir de ça. Et puis, de toute façon, les morceaux, je pense que c'est ce qu'il fallait mettre dessus, quoi. Tout à fait, ouais, ok. Donc, peut-être le prochain, ce sera beaucoup plus dépouillé, plus rock, je sais pas. Ouais. Ok, ok. Rien, je me le... Il n'y a pas de problème. Ouais. Après, je me lâche un peu plus qu'avant, parce que j'ai un peu plus retrouvé confiance en moi, peut-être, au niveau du jeu de batterie. Ouais. Alors qu'à une époque, j'avais des gros doutes, alors du coup... J'osais moins. Ok. Voilà. Donc beaucoup de confiance en fait. Regagner un peu grâce à la tournée de Matière Noire notamment. Quoi. Parce que là, je trouve que le groupe a pris du grade sur scène, parce que aussi tous les gens qui nous entourent bossent très bien, tu vois. Ça te met en confiance. Donc quand tu montes sur scène, tu sais que ça va rouler normalement. Donc, d'accord. Voilà. Je dis pas que ceux d'avant ne le faisaient pas, hein, loin de là. Ouais. Mais je sais pas, c'est une autre ambiance. Votre staff actuel, vous met en confiance, ça te met aussi dans ton camp. Je parle dans staff sur la route. Détendu, il n'y a pas trop à se poser de questions, juste à bien jouer. À bien jouer. Voilà. Vous avez donc fait le Hellfest, oui. La tête d'affiche, donc 22h30, 60 000 personnes. Ouais, 60 000 peut-être pas quand même, non. Allez, on arrondit. Ouais. Beaucoup de monde. Ouais. Moi, j'y étais, je peux vous dire, j'ai pas pu être tout près. Ouais. Oui, je donc, confirme. Il y avait quand même du monde, oui. Je confirme. Où j'étais, il y avait du monde. Qu'est-ce que ça fait d'investir une scène aussi grande avec un public aussi nombreux? Et il y aura une double question au sortir donc, de ce festival. Vous êtes ressorti du lot, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, de votre prestation qui fut vraiment très bonne. Donc votre prestation a été saluée. Mm-hmm. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les médias. Ouais, je sais pas. En fait, honnêtement, j'ai pas lu grand-chose, ni regardé grand-chose après. Ouais. Parce qu'en fait, ça fait quelques temps que je... Lis plus la presse. Non, mais tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça, j'y vais plus. Il y a trop de merde, il y a trop de D'accord, trucs qui peuvent te pourrir la vie en même temps. Là, je parle juste des comptes rendus de médias. J'ai pas tout lu, mais oui, apparemment, il était très bon. Mais toi-même, ou le groupe, comment vous avez perçu ce concert, finalement? Moi, j'étais heureux. Non, mais j'étais... C'est un truc... Je n'ai pensé à ça, qu'à ça, pendant des mois et des mois. Tu vois. Alors, d'accord. Avec, même une petite boule dans le bide, en disant... En ayant une boule au ventre, en disant putain, j'espère que ça va bien se passer. Et puis plus ça approche, plus t'y penses. Puis ça te prend. Enfin, moi, je suis comme ça parce que je suis quelqu'un d'anxieux. Donc, d'accord. Au bout d'un moment, ça te prend même trop de place, quoi, par rapport au reste. Et puis le jour même, et ben, bizarrement, quand on est monté sur scène, totalement décontracté. Alors, j'ai vu tout le monde. Pourtant, juste avant de démarrer, il a failli y avoir une grosse couille. Parce que l'intro. Enfin, bref. Les Air Monitors ne fonctionnaient plus. D'accord. Et puis, une fois que c'était parti, j'ai vu tout ce monde à fond. Avec la première fois pour nous d'avoir la chance d'avoir de la pyro, des écrans vidéo, d'avoir le site en face. Le site avec toutes les flammes partout autour, enfin c'était magique quoi. Donc ça a déroulé, c'est passé beaucoup trop vite. Je confirme. Puis voilà, c'était fait et c'était génial. Voilà. C'est inoubliable, c'est sûr. Mais je rappelle quand même que c'était pas la première fois qu'on faisait des trucs aussi gros. Voilà. Mais là, c'était avec des moyens comme ça, un accueil pareil, c'était la première fois, c'est sûr. Et j'ai vu Renaud il y a 15 jours, donc qui était le même jour, hein, finalement. Ouais. Je lui ai posé la même question et je lui ai demandé quelle était s'il préférait des grosses ou des petites scènes. Il m'a confirmé, lui, que c'était chez Paulette, je ne sais pas si vous vous souvenez, Connais, chez Paulette. Oui, il m'a confirmé qu'il aimait mieux les petites scènes pour avoir une plus grande proximité avec le public. Et vous-même, finalement. Moi, j'aime tout, en fait. D'accord. J'adore les gros trucs, les gros festivals avec plein de monde. C'est ça, j'avoue. J'adore les salles un peu plus moyennes comme les Zénith, comme quand on a fait le warm-up du Hellfest justement à Nantes, c'était super. J'aime les gros clubs comme ce soir. Enfin, et puis les tout petits clubs où il y a 300 personnes ou même des fois moins. Vous jouez partout, quoi. Voilà. Si le concert se déroule bien, que l'accueil est cool. Que l'échange entre nous et le public est bon, tout me plaît, quoi. J'ai pas de préférence, parce que c'est complètement différent. C'est deux trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Enfin, d'accord. Voilà, ne serait-ce que le son, enfin, ce que tu ressens dans un tout petit club, et puis la grosse machine de guerre sur une énorme scène, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est clair. Ouais. Non, moi, j'aime tout. Okay. Y a sur vos pochettes, vous avez la particularité de faire des pochettes assez recherchées. Y a Maniac, il y a Matière Noire, y a Contradiction. Alors déjà, je pense que les yeux de Maniac et de Contradiction sont liés. Clairement. Ouais. Mais vous aimez ce côté design photographique, recherché. C'est pas des banales pochettes non plus. Quoi. Qu'est-ce que vous recherchez exactement en fait dans toutes ces pochettes? Alors bon, c'est plutôt Yann qui est branché là-dessus. Moi, je... J'aime quand c'est une belle image qui cogne, qui tape, qui marque ce qu'on essaie de trouver à chaque fois. Mais c'est honnêtement, c'est plus Yann qui pourrait te répondre là-dessus. D'accord. On cherche toujours un truc qui percute, oui, mais qui peut être un peu même dérangeant des fois. Mais qui soit effectivement visuellement beau c'est esthétique. Beau. Quoi. Voilà. C'est ça, non mais il faut le dire. Mmh. Oui. Ok, donc ce serait plus Yann qui gérerait. Oui, c'est complètement son rayon, mais c'est un gros fanat de photos, tu vois. Ouais, on sent bien, on sent bien quand même. Je suis très fan de Star Wars, moi, tu vois. Ah bah bientôt, 19 décembre. On parle pas. Vous chantez en français, en fait, depuis le début de votre carrière. Est-ce que vous vous êtes dit un jour, on va faire un album en anglais? Non. Jamais? Non, je pense pas. Peut-être ça peut arriver, ça pourra arriver qu'on refasse encore un ou deux titres en anglais, mais... Je parle d'un album en entier, carrément. Non, je pense pas. Moussi se sent pas à l'aise avec ça, et puis c'est pas sa langue. Ce qu'il écrit, ce qu'il veut exprimer, vu ses textes, en fait, sont quand même assez poussés, enfin recherchés, enfin c'est pas... Ouais. Le truc qui, à mon avis, il aurait du mal à traduire exactement en anglais, comme disait le mec de Opeth, là, avec leur dernier album, où il préfère la version suédoise que la version anglaise, parce qu'en suédois, c'est sa langue, il peut exprimer réellement ce qu'il veut dire, quoi. Nous, c'est pareil, quoi. Des fois, des trucs de traduction qui seraient... Il y a des images qui seraient quand même vachement compliquées à traduire en anglais, je pense. Et puis, c'est pas son kiff. On restera en français, je pense. D'accord. Il y a aussi dans vos concerts, moi depuis 2011, vous finissez toujours par Furia. Oui. C'est peut-être les dernières fois. Bah, c'était la question. Vous en avez pas marre de toujours finir parfois? Non, moi je m'en lasse pas. Non, personnellement, je commence à en avoir un peu marre. Mais je me dis depuis. Voilà. Ouais. Ouais, je sais. Mais en même temps, c'est un peu un rituel aussi. Alors, il y a aussi le rituel, on fait voilà. Monter tout le monde. Je vais pas nous comparer à Metallica évidemment, mais ils finissent toujours par Seek and Destroy, tu vois. Alors, plus maintenant, ils finissent par Enter Sandman. Ah, bah, écoute, oui. Oh, les deux dernières, en fait, c'est Nothings et Enter Sandman. Oui, enfin, en tout cas, c'est oui. Oui, oui ils finissent ouais. toujours. Ouais. Mais disons que maintenant, vous auriez un répertoire assez conséquent. Là, je pense que la tournée va se finir encore comme ça. Après, l'année prochaine, on peut en reparler. Mais je pense que oui, ça va évoluer. D'accord. Ouais. Hormis le fait de faire choisir avec des sur vos sites les setlists, vous avez quand même des préférences vous-même à jouer ou pas? Ouais. Oui. Il y a des titres que vous êtes sûr que vous allez faire, il n'y a pas négocié. Moi en tant que vieux con d'origine du groupe, moi par exemple Donnez-vous la peine, je n'enlèverai jamais de la setlist. Voilà. Pourtant il y a un moment où maintenant il y est. Voilà. Oui, il est revenu. Parce que c'est le premier morceau qui a fait connaître Mass, c'est le premier morceau que les gens ont connu et que moi j'ai joué. Si je suis rentré dans le groupe, c'est parce que ce morceau m'a plu. Parce qu'avant j'écoutais pas du tout, et c'est ce qu'on m'a fait écouter, j'ai accroché sur ce truc là. Voilà. Donc je trouve que c'est important de s'en souvenir. Que j'adore jouer, comme Tout est poison, d'être dans les derniers, ou Nerf de bœuf, maintenant, j'adore. Sur Matière noire, je suis en la casse aussi, que j'adore jouer, enfin, il y en a plein. J'aimerais bien rejouer d'autres morceaux qu'on a répétés dernièrement, mais il y a des histoires de machines qui ont été perdues, ou qui ont été effacées, enfin, des conneries, quoi. Ouais. Donc, notamment certains morceaux de Contradiction, j'aimerais bien retrouver. Comme d'accord. Zion, ou Sur la Brèche, ou Dernier Tango, j'aimerais bien rejouer. J'aimerais bien rejouer Millennium Appauvri aussi, ou Remettre de temps. Vous n'êtes jamais pensé à faire, je sais pas, une dizaine de concerts avec des titres inédits que vous ne faites jamais en concert? Ah, c'est pour l'année prochaine. Ça pourrait. Maintenant, on n'est pas un groupe non plus avec 50 000 tubes. Et je sais pas si le public qui vient nous voir en ce moment viendrait voir ces concerts-là, je sais pas. Peut-être. Ouais, moi je pense que ça... moi perso, je viendrai. Ouais. Peut-être donc, que si vous voyez, on fait je ça, vous suis régulièrement. Si on faisait ça dans des clubs, des petits clubs en fait, sur une dizaine de dates, avec une setlist vraiment de trucs rares, ça pourrait être sympa, ouais. D'accord. Voilà. Je vais vous poser deux autres questions, puis après je vous laisse vous préparer. Oui, parce que c'est dans deux heures. Oui, je vous laisse. Qu'est-ce que vous pensez du métal français actuellement? Ça se porte plutôt bien, je crois. D'accord. Enfin, je trouve que la scène, elle est là. Enfin, c'est quand même... Quand t'as vu ce qui... T'as vu le truc... Enfin, la scène française sur les gens du Hellfest. Ouais, bien sûr. On peut pas se plaindre, ça a plutôt fonctionné. Ouais. Je pense que le métal, ça continue quand même à remplir les salles. Y a plein de bons groupes, tu vois, même t'as le carton Ultra Vomit en ce moment. Alors qu'ils sont pas d'hier quand même, hein. Non. C'est pas si ça. Oui, après je connais pas tous les groupes, enfin même, tu vois, en ce moment je suis pas très branché métal. Ok, vous écoutez quoi par exemple? Je reviens plutôt de rock progressif des années 70, du jazz, des musiques de films. Le métal moderne en ce moment, il n'y a pas grand chose qui me chauffe, quoi. Donc sinon je réécoute tous mes vieux trucs. Je suis un peu resté bloqué entre 1980 et 2000, quoi. Ok. Ouais. Mais bon, il y a des trucs cool, hein. Mais, j'ai pas de trucs qui me viennent en tête directement. Il n'y a pas eu de coup de cœur, en fait. Non, le dernier coup de cœur. Écouté et que vous avez dit, putain, c'est trop de la balle, quoi. Le dernier coup de cœur, mais du coup ça commence à remonter, c'est avec Ghost, quoi. Mais bon, depuis Ghost, je trouve que c'est plus aussi... Ça me prend plus autant que les deux premiers, quoi. Tu vois. Je comprends. Voilà. Je trouve que le dernier album qui m'a mis une claque au point d'écouter 48 fois par jour quand c'est sorti, là, c'est Opus Eponymous, quoi. Le premier Ghost. Quoi. D'accord, ouais, je comprends, voilà. je comprends. Parce que c'était décalé, c'était mélodique, ça avait rien à voir avec tout ce qui se faisait, ça travaillait pas, c'était pas des plans... C'était un peu à part. C'était totalement à part, ça me rappelait Mercyful Fate et compagnie. D'ailleurs, ça faisait... Buster Cult, etc. Ça faisait un peu penser à années 80. Ouais, complètement. Complètement. Voilà. Une dernière... J'écoute plutôt... en ce moment, tu vois, je me fais là en ce moment, ça fait environ 3 semaines que j'écoute que Thin Lizzy. D'accord. Toi, que ça. Ouais, okay. Ah oui, effectivement. Voilà. J'ai dit pas rien, je suis bloqué. Ok. <Voilà. rire> j'aurais une dernière question, puis après je vous laisse. C'est juste par rapport à vos premières parties. C'est vous qui décidez Non, pas toujours, si même pratiquement jamais. D'accord. Donc vous n'avez jamais pignon sur vue sur, la plupart du temps, c'est soit la salle, enfin le promoteur local ou la salle qui propose un groupe à notre tourneur, à nous, qui après nous demande quand même de valider. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, c'est-à-dire qu'il y a plein de fois où on ne nous a jamais demandé notre avis. Okay. Et après, nous, quand on veut imposer des groupes, c'est plus compliqué parce que dans ce cas-là, la prod locale va dire dans ce cas-là, c'est vous qui gérez l'histoire, c'est vous qui payez l'hôtel, c'est vous qui. Faites tout. Voilà. Donc c'est compliqué parce qu'on n'a pas le moyen, nous, d'inviter un groupe sur toute une tournée comme ça. Mais disons que le fait de vouloir inviter un groupe local, c'est de votre fait quand même. Oui, quand même. Je trouve ça vachement bien, quoi. Ça me semble important quand même, quand t'as un groupe qui a un peu d'exposition, de faire jouer les groupes du coin, quand t'es dans le coin, ça les fasse jouer devant du monde, quoi. Pas sûr que tout le monde le fasse. Oui, je sais bien. Mais c'est pour ça. C'est un peu la base, quoi. Enfin, nous, si on nous avait pas fait ça... C'est ça. Ce serait peut-être encore en répété dans notre cadre et puis ça jamais, tu vois. Ok. Voilà. Raphaël, merci beaucoup de ce temps pris pour plus que du métal, l'émission plus que du métal. C'est un très bon titre. Et voilà donc l'interview de Raphaël Mercier, batteur de Demas Hysteria. Toujours très très sympa. Allez, on va pas bouder notre plaisir. Tout est poison, Mass Hysteria. Yeah. tout est poison, des Mass Hysteria. On y reviendra, on repassera un dernier petit titre, spécial Mass Hysteria sur plus que du métal. On est dans la rubrique dorénavant de l'album culte. L'album culte, ce mois-ci, c'est Paradise Lost, un groupe de gothic doom metal qui a sorti un album en 1993 qui s'appelait Icon. Alors pour beaucoup, l'Icon est l'album charnière donc, du groupe. C'est là qu'il quitte le death metal pour entrer donc dans le doom metal gothique. Les rythmiques sont très puissantes, la mélodie très présente, les solos magnifiques. Tout est complètement intégré au compo. C'est vraiment un album, pour moi aussi, parfait. Alors, subsiste quand même le doute. Beaucoup de fans estiment que c'est plutôt Draconian Times comme étant l'album le plus abouti du groupe. Il faut dire que c'est aussi un album exceptionnel, c'est un chef-d'œuvre, mais moi j'ai quand même une petite préférence pour Icon, qui est beaucoup plus beau, qui est beaucoup plus grandiose. Il faut aussi savoir que ce groupe Paradise Lost a presque fait du Depeche Mode avec l'album Host, mais bref. Nous allons donc écouter Christendom, l'album donc de Paradise Lost, le titre de Icon de Paradise Lost, et qui est vraiment un titre magnifique. C'est parti. Thank you. donc Paradise Lost sur l'album Icon, très très bel album, je vous conseille si vous avez l'occasion de l'écouter. Écoutez-les, on reste en début de, d'émission, je vous avais lancé un petit Suicidal Tendencies, la banque à Mike Muir. Il faut savoir que la banque à Mike Muir revient au Hellfest. Ils reviennent donc avec les Suicidal, mais aussi avec l'Infectious. Du coup, eh bah, pour ceux qui râlent tout le temps, on aura un quart de Metallica, puisque Robert Trujillo sera présent. Et bah allez, Infectious Grooves, Violent Funky, c'est parti. In case of bigots, you a hell of a lot darker. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and boring. It ain't over till the fat lady sings and the big tip just choking on the jokers of love. You know it's now. Infectious Grooves, donc au Hellfest en juin 2020. Une belle prog d'ailleurs au Hellfest. Hein. On verra peut-être une tête d'affiche. On écoutera peut-être une tête d'affiche, la tête d'affiche du dimanche soir tout à l'heure. En ce moment, en même temps, tout de suite, une nouveauté, Sira Out of My Life. Allez, hein, on y va. Sira Out of My Life, une petite nouveauté, je vous en parlais, la tête d'affiche du dimanche soir du Hellfest, c'est le grand retour des System of a Down, qui font des moins bons petits tours d'Europe, hein. Ils tournent un peu dans tous les festivals, on les retrouvera aussi au Rock Vulture. Bref, ne boudons pas notre plaisir, un super titre, Toxicity, et un super groupe, alors peut-être un nouvel album, ça on sait pas encore, hein, mais bah, on y va, on écoute, hein, c'est parti. Looking at life through the eyes of a tire hub. City des System of a Down, une tête d'affiche du Hellfest du dimanche soir. On reste toujours une petite revue du Hellfest. Hein. On a vu les Suicidal, on écoute les Suicidal, les Infectious, les System. Et ben là, il y a un petit groupe français qui s'appelle Alceste qui a fait un dernier album tout à fait exceptionnel et qui sont aussi donc invités au Hellfest. Bon, certainement pas sur le main stage. On va écouter Saphir. C'est parti. We'll be right back. Alceste avec Saphir, donc allez les voir hein, au Hellfest, un très très bon groupe français, un très très bon dernier album, faut pas hésiter. Allez, on reste toujours dans cette petite revue Hellfest avec un comeback, je dirais, hein, un vrai comeback, The Offspring. Offspring reviennent. Et bah, qu'est-ce qu'on va écouter comme Out and Play, hein, petit souvenir sympa. Allez, c'est parti. Gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Ah donc, Offspring, Come Out Play, l'émission commence à se finir, hein, donc c'est la dernière de l'année. L'occasion de remercier déjà la Radio Fat Jet, ainsi que tout le monde, Fabienne, Yves, François, Jean-Luc, de toute leur aide pour réaliser cette émission plus que du métal. Merci aussi à tous les groupes qui ont répondu présent à mes invitations. Alors on va les redire, hein. First Wand qui a été le premier, hein, celui qui a payé un peu les pots cassés, on va dire. Torment, Willfall, Mortuary, Le Corps et l'Esprit, Cleaver, Dusk of Delusion, Lophophora, Massisteria. Franchement, un grand merci à vous tous, c'était super sympa. On se retrouve donc le deuxième lundi du mois. Qui va être, je vais vous dire ça, hein, le deuxième lundi du mois de janvier, ça sera le 13 janvier. Et puis là, on va continuer quand même. Émission spéciale Massisteria, Respect to the Dance Floor. Voilà, Respect to the Dance Floor des Massisteria. Allez, l'émission se finit. Plus que du métal, vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve le 13 janvier. Le 13 janvier, hein, soyez bien présents. Allez, ciao, ciao.